Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec l'équipe des permanents autour de la table. Alors je présente les permanents d'abord. À ma gauche, l'éternel Jurassic Park des ondes. Je sais pas. Le tout en camon de la radio. Ah oui, tu m'as pas cité encore. Pape du club. Ah oui. Bonsoir les filles. C'est vraiment un mauvais sujet. Une blague à son répertoire international. Salut à tout le monde. Maurice. Mon pauvre Maurice. Maurice. Il commente régulièrement les matchs de foot sur RTL. Oh, refais l'émission. Tu vois que je fais pas que Le Pen. Oui, les imitations sont signées Frédéric Costel. Ah, ah ben on va s'amuser. Avec un K comme Cédric. Avec un maman dans ta gueule comme Émeric Marchand. On va pas en parler chaque semaine de ce connard qui m'a piqué mon titre. Ouais, la voleuse. Oui. Et enfin, le dernier larron permanent de l'émission, qui est donc, comme chaque semaine, attaché au bar, GG. Bonsoir. Oh, bravo. C'est l'histoire d'une petite. Je précise que l'émission sera réalisée cette semaine avec deux mains par Davy. Ah ben il n'est pas connu de toi alors. Donc nous avons cette semaine des invités autour de la table. Et là Bob est très content. Ah oui, très car nous avons placé à sa droite une charmante demoiselle. Karen. Bonsoir. Alors Karen, ne t'inquiète pas, tu ne risques rien. Oui. Non. Comment ? Le chiffon mou, on l'appelle. Je présente la suite des invités. Donc, après Karen, nous avons à la gauche de Bob Aurélien. Oui. Oh. Bonsoir. Et en face de Bob, quelqu'un que nous connaissons. Voilà. Alexandrovitch. Un adversaire de taille. Ouais. De taille de guêpe. Voilà, hein, alors, excuse-moi Philippe, mais il me semble bien que nous l'avons déjà reçu. Mais il n'y a pas très longtemps, il est venu Alexandre nous voir. Tout à fait. Il est venu, il s'est pas coupé les cheveux. Non. Ni la barbe. Si un peu. S'il a coupé 4 cm. S'il a coupé 4 cm. Ah oui, ça a fait un événement sur Facebook. Ah ouais. Oh là là. On a entendu. Si Alexandre revient nous voir avec des complices ce soir. Ses complices, c'est la AK Company parce qu'il y a un nouveau spectacle. Voilà. Qui s'intitule. Vas-y Philippe, démerde-toi. Vas-y Philippe. Oui, il est long, le titre est très long donc. Et puis comme je ne l'ai pas noté. Bob, je vais vous le faire. Meilleur acteur dans la quatrième rôle, au fond à gauche, coupé au montage. Bravo. Et alors, ce spectacle avec un titre à rallonge, il se joue où ? Il se joue au Lorette Théâtre, qui est rue Bichat à Paris, métro Goncourt. Et tous les mercredis. Public tous les mercredis à 21h30 en janvier et en février. Super. Et on embrasse la quatrième larronne de la K-Company qui n'est pas là ce soir. Tout à fait, Annie. Ce soir, Annie. Les piscines, ouais. Annie. Tu qui était là la dernière Annie, fois Bob, avec à cause Alexandre. Des chichettes. Non, Annie qu'on a reçue en même temps qu'Alexandre. Tu Alexandre. Sais, ah, la, ah. La dame qui fait les kiffs et les comptes parfumés. Oui, les comptes. Voilà. Oui, parce que alors. Les comptes pour enfants. Tout le monde se demande, mais ça veut dire quoi ça, AK-Company, vous faites du rugby ou... Non. Ah oui, c'est vrai, le AK, c'est. Ce sont les initiales de nos prénoms. Annie, Karen, Aurélien, Alexandre. Oh, c'est original. Que... Voilà. Ouais. C'est bien. Par contre, on a mis un accent circonflexe sur le deuxième A, parce qu'on s'est dit que ça faisait bien. Ça fait Alexandre. Et alors, Karen, ça parle de quoi, cette pièce ? Alors, cette pièce, elle parle un peu de notre parcours, notre difficile parcours de comédien. Nous, on se connaît depuis pas mal de temps. On a commencé nos études à Nice, notamment. Donc, c'est important, parce que ça fait partie aussi de la pièce. Et donc voilà, donc du début à Nice jusqu'à nos retrouvailles sur Paris, parce qu'on s'était dit que c'était là que ça fonctionnait. Peut-être qu'on s'est dit ça trop vite. Donc voilà, donc les hauts, les bas, les tentatives de casting, etc. Enfin tout ce qu'on connaît bien du côté des artistes, mais aussi des choses qui parlent aussi un peu à tout le monde. Voilà. Et alors c'est une pièce, une écriture collective. Tout à fait. Ah donc ça fait combien de mains ça ? 8 mains. 8 mains, n'est-ce pas ? Enfin normalement. Pas normalement. Parce qu'il y en a pour ceux qui sont ambidestres, n'est-ce pas ? Il y en a qui écrivent plus que d'autres, peut-être, non ? Oui, mais ça compense ceux qui ont les mains sous la table tout le temps. En tout cas, dans la pièce, il y en a qui parlent plus que d'autres. Enfin, il y en a qui parlent moins que d'autres. Oui, parce qu'alors, on nous a dit en arrivant, parce que dans l'émission, bien sûr, comme d'habitude, il y aura des extraits du spectacle. Et alors, on était en train de voir un peu qui allait faire les extraits. Puis on a dit, bah alors Aurélien, tu nous feras un petit extrait de 10 minutes. Et il a dit, ah bah ça va pas être possible. Non, parce que je pense que mon texte mis bout à bout doit durer à peu près 20 secondes. On nous a demandé de faire 5 minutes, bon. Eh bien, merci. On peut... Non, parce que c'est très drôle. C'est-à-dire que pendant que les trois autres sont, enfin, sans tout dévoiler, pendant que les trois autres sont en train de faire les andouilles sur scène, il y en a un qui est devant, c'est Aurélien, et qui ne parle pas. Ah. Enfin, un petit peu quand même. Un petit peu quand même, mais c'est une expérience très intéressante. C'est du théâtre contemporain. Non, mais c'est vachement bien pour le spectateur qui se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Oui, c'est généralement les premiers commentaires qu'on a suite à la pièce, ouais. C'est ça, mais il faisait quoi, lui? Ce qui vaut parfois l'incompréhension du public. C'est drôle. Complètement. Alors, c'est marrant, il y en a qui demandent quand même, mais qu'est-ce qu'il faisait celui qui était au fond, à gauche le titre, quoi. Et alors, en dehors de Paris, vous avez prévu des dates en province pour nos amis qui nous écoutent? Oui, alors on va jouer cette pièce également à Toulouse fin avril, début mai, pendant 3 semaines. Et à côté de ça, Karen et Alexandre jouent leurs spectacles respectifs également. Mais je vais leur laisser la parole. Alors sur Toulouse, on y va avec donc Meilleur Acteur et également le One Man Show d'Alexandre. Oui, Pocahontas. Appelez-moi voilà. Pocahontas, qui l'avait présenté déjà ici. Mm-hmm. Et puis on joue aussi au mois de juin Meilleur Acteur à Perpignan. À Perpignan. À la Boîte à Rire. Je sais plus combien. Du 8 au 12 juin. Consultez votre programme préféré. Alors, est-ce que la AK Compagnie a un site internet? Non, mais on est très actifs sur Facebook. Ah oui, ça, sur Facebook, on les voit. Hein. Maurice, au fait, tu nous as pas dit, parce que Maurice, on a appris la semaine dernière dans l'émission qu'il partait en pèlerinage à Vichy. Ah oui. Comment s'est passé ton pèlerinage à Vichy? Très bien, j'ai bu que du vin. Maurice est en plein dans le débat démocratique en ce moment. Ah bon? Ah oui, parce qu'il a dit qu'il était contre la burqa. Lui, il est plutôt pour le burcu. Alors, il y a donc dans cette émission, vous allez le voir, des jeux, des questions, des épreuves. Mais cette émission est une épreuve. La première épreuve de la soirée, c'est de donner un nom à l'équipe d'en face. Oui. Mais oui, et oui. Alors, Karen, est-ce que vous avez réfléchi pour baptiser l'équipe de Bob, de l'équipe de Fred, Alexandre et Gégé? Bah, en fait, c'est tout simple, c'est aller regarder, ça nous est souvenu. Oui, on s'est très vite à l'esprit. Vas-y. Les mollusques. Oh, on s'en fout, on vous appellera les bouses. N'applaudis pas, toi. Compte en commun, la première question de la soirée, compte en commun l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Jamaïque, l'Afrique du Sud et le Kenya. C'est des noms alignés. Comment ? C'est des noms alignés. Ouais, quand tu regardes sur la carte, ils ne sont pas au même niveau. C'est des noms alignés. Dans la langue. La Jamaïque. Ah, ils sont dans... Comment, dans le Commonwealth. Non, j'ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient en commun. Dans le Commonwealth. La langue. Non. Le fait de conduire à gauche. Ils sont dans le Commonwealth. Oui, c'est vrai. Le fait de conduire à gauche. Ah, pas de réponse de Gégé. Bravo, Gégé. T'aurais pu dire aussi l'Indonésie. Oui. Il y avait la Malaisie aussi. Oui, l'Indonésie. Alors, je ne voudrais pas dénoncer Gérard, mais tout content de lui d'avoir donné une bonne réponse, il a fait un doigt à l'équipe d'en face. C'est pas très sympa. Il a mis un doigt dans la bouse. Et donc, voici la première tournée de blagues. Ah voilà. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blagues. Ah, puis alors, vu le nombre qu'on est, va y en avoir des blagues. Allez, Karen. Afin de préparer leur décoration de Noël, Barbara et Samantha font les grands magasins. Des centaines de sapins de toute taille s'étalent sur le trottoir devant l'entrée. Mais en regardant les étiquettes, Samantha pousse un cri. Ah ! Pour amortir le prix du sapin, le Père Noël a intérêt à mettre autre chose que des chocolats dans nos chaussures. Ou alors, faut qu'on porte des chaussettes marron, ajoute Barbara, qui n'a rien compris. Samantha prend aussitôt une décision radicale. Je sais où trouver un sapin pas cher. Où ça ? Dans la forêt. Les deux blondes retournent donc à Garzy-le-Gourdin et armées chacune d'une hache se rendent dans la forêt voisine. Après avoir remué chaque recoin du sous-bois et dérangé tous les animaux, Samantha et Barbara baissent les bras. « J'en ai marre, soupire Barbara. Moi aussi, » dit sa copine. « On rentre ?»« Ouais. Et le prochain sapin qu'on voit, qu'il ait des boules ou pas, on le prend. » papa, pourquoi t'as épousé maman? Ah, toi aussi, tu te poses la question. Bon, alors, Aurélien, qu'on va donc entendre plus que dans le spectacle. Oui, voilà. Donc, c'est sur les blondes aussi, je sais pas, ah, avec Karen, ouais, c'est des, les blondes. Il n'y a pas de blondes dans la compagnie, ça, alors voilà. Peut-être que... Oh, Annie, elle est un peu blonde à l'intérieur, quand même. Elle avait qu'à être là. Oui, c'est vrai, mais on l'embrasse. On l'embrasse. Pas trop. Un peu. Que fait une blonde sur la piste d'un aéroport? Eh bien, elle jette du pain pour faire venir le gros oiseau de fer. Je ne picole pas, moi je bois. Et c'est pas la même chose. C'est trois garçons qui discutent, trois petits garçons qui discutent dans la cour de l'école. Ça aurait pu être une histoire de Bob. Hein. Ah. Et tu vas voir. Et le premier, il dit, bah, il montre un espace entre ses deux index et il dit, moi, mon papa, eh ben, il a un zizi grand comme ça. Et le deuxième, il dit, oh, bah, le deuxième, il montre un truc encore plus grand. Il dit, moi, mon papa, il a un sexe grand comme ça. Et le troisième, il est un peu dépité, il fait, bah, il montre un truc beaucoup plus petit. Il fait, bah, moi, mon papa, il a un sexe grand comme ça. Mais ça fait mal quand même. Alexandre. Alors, c'est un homme qui rentre chez lui après le travail et il a super envie de faire l'amour. Et il a une érection de folie et il va voir sa femme qui est devant la télé et lui dit, bon, chérie, ce soir, faut qu'on fasse l'amour, j'ai trop envie. Femme, elle a absolument pas envie, donc elle lui invente une migraine comme toutes les femmes et elle dit non, franchement pas ce soir, j'ai pas envie, j'ai mal à la tête, j'ai une journée de merde, j'ai vraiment pas envie. Et le mec il lui dit ok, t'inquiète pas, y a pas de souci, j'ai la solution, je suis allé voir le médecin, j'ai la solution, t'inquiète pas. Et il fonce dans la salle de bain et il se met de l'aspirine sur son sexe et il revient la voir, il fait bon alors chérie, ton aspirine. Tu l'avais en sirop ou en suppo? Oh. Oh là là là. Quelle différence y a-t-il entre une otarie et une portugaise? Je crains le pire. L'une a des moustaches, le ventre graisseux et sans le poisson. L'autre est un mammifère marin. Bon, allez, on s'est fâché avec les Portugais. Alors, un Italien qui raconte à ses amis. Oh, hier soir, j'ai massé ma femme avec de l'huile aromatique. La c'est l'huile qui, pour c'est la... quel accent, j'ai pas connu. Italien. Italiano. Italiano. C'est un Italien d'Afrique du Nord. Oui, c'est ça. L'huile aromatique. Puis on a fait l'amour tellement intensément qu'elle a hurlé pendant 5 minutes. Oh, le Français qui entend ça, il répond. Ouais, bon, c'est pas mal. Attends, moi hier, j'ai massé ma femme avec du beurre. Après, on a fait l'amour tellement fort qu'elle a hurlé pendant un quart d'heure. Et il y a le Belge qui est là. Moi, j'ai massé ma femme avec du chocolat. On a fait l'amour et après, elle a gueulé pendant 3 heures. Elle a gueulé pendant 3 heures, mais comment t'as fait ça? Je me suis essuyé la main au rideau. Bon, eh bien, nous allons revenir dans quelques instants avec la AK Compagnie. Ah. Et la première épreuve du trivial de la soirée. Ah, à tout de suite. Retourne, on va se marrer avec la AK Compagnie. Ouais. Alors, dans On va se marrer, il y a une des épreuves qui s'appelle le trivial. Simple, hein, très simple comme épreuve. J'ai tiré au hasard dans la boîte du trivial 2 cartes. But du jeu, il y a 1 carte par équipe et 6 questions sur chaque carte. But du jeu, répondre au plus grand nombre de questions en un minimum de temps. L'équipe qui aura répondu au plus grand nombre de questions en un minimum de temps. Non. Ah, je croyais de temps, parce que sinon Bob sera avantagé. C'est moi qui gagne. Et puis t'arrêtes de rire. Voilà. Et l'équipe qui aura donc répondu au plus grand nombre de questions au minimum de temps gagnera le point. Alors nous allons commencer par l'équipe des bouses. Ouais. Le choix entre l'équipe entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Allez Karen. Écoutez, allez la 2. Allez. Alors, allez. La carte numéro 2, c'est celle-ci. On termine toujours en disant c'est notre réponse. Oui, d'accord. Le reste, on se concerte. Bien sûr. Alors, vous vous concertez dans les micros surtout. Attention au chronomètre pour les 6 questions. C'est parti. Quelle est la plus grande ville entre le Canada et l'Irlande? La plus grande ville? Oui. Entre la côte. La côte canadienne. Voilà. Et l'Irlande. Et l'Irlande. Il y a une ville. Quelle est la plus grande? C'est facile. Il y a comment en Islande. Comment c'est la capitale de l'Islande? Reykjavik. Merci. Est-ce que tu penses que c'est ça? Non. Non. Il y a pli. Et l'Irlande. Mm-hmm. Bah si. Il y a rien entre les deux à part ça. Ah ben alors. Oui. Donc c'est Reykjavik. Oui. C'est notre dernière question. Non. La côte. La côte. Alors, la côte irlandaise. Oui. Oui, c'est notre réponse. Et c'est une bonne réponse. Ah. Oui. Eh ben, une minute pour répondre à ça. Qui est terminé. Alors, qui a immortalisé Salt Peanuts? Je ne connais pas. À vous les filles. Non. Vous les gens du spectacle. Maurice, tu veux savoir? Non. Immortalisé Salt Peanuts. Salt Peanuts. Salt de soleil. Salt les cacahuètes salées, si vous voulez. Benenets. Ah, Benenets. Mais passez idiot si vous savez pas gagner. Je sais pas. Est-ce qu'on sait ou on sait non, pas? Non, moi je sais pas. On sait pas, on passe. Fred sait? Non. Tu sais pas? Je sais que c'est une chanson, mais. Charlie Parker. Oui, voilà. Ah. Quel gouverneur romain a condamné le Christ? Visconti. Ponce Pilate. Ponce Pilate, oui. Ponce Pilate. Oui, Ponce Pilate, c'est notre réponse. Oui, c'est notre réponse. Son prénom, Pierre. De qui Goethe a-t-il raconté les souffrances? Vous savez ça, les filles? Qui ça? C'est en art et littérature? Oui, bien sûr. Goethe. Il a raconté les souffrances de quelqu'un. Faust? Non, mais c'est pas loin. C'est du jeune Werther. Oh là. Quelle planète a été explorée par le vaisseau spatial Mariner? Le slip? J'hésite. Ah! Oh, tu dois savoir. Mars, Pluton, Mars, Jupiter. Ouais. Non, mais je vais dire Mars quand même. Mais j'ai peur. T'hésites entre quoi ou quoi? Ben, entre Mars et Vénus, mais. Ah. Mars. Je vais quand même dire non, Mars. C'est Mars. Ça c'est vous convient, Mars. Mars. Mars, c'est notre réponse. D'accord, c'était Vénus. Combien de fois Daniel Morelon a-t-il remporté le titre olympique de vitesse en cyclisme? Contre quoi? Combien de fois? À combien de fois? Daniel Morelon. Il y a un sportif dans l'équipe? Ah oui, Maurice. Une réponse triviale, c'est fois. Aucune. Allez. C'est trop de réponses triviales. On va dire 3. Allez. Vous dites ça 3? Vous plaît, 3? Oui. C'est notre réponse. 3 et c'était 2. Alors, applaudissez parce que je voudrais savoir combien de temps ils ont mis pour répondre. Alors, deux bonnes réponses en 2 minutes et 41 secondes. Alors, vous avez remarqué les questions qu'on a eues. Écoutez bien maintenant. Attends, oui, mais nous, on a c'est pas vous qui avez choisi la carte. Hein. C'est Karen, tu t'en reprendras en à Karen. En plus, nous, on n'a pas le choix dans la carte. Vous êtes parce que vous êtes 4, nous ne sommes que 3. Non, nous, on est moins 4. Hein. Vous êtes 3,1. Alors, deuxième carte, c'est parti pour le chronomètre. Où se trouve le tombeau du Christ? Ben, c'est à Jérusalem. Ah, peut-être. Oui, c'est à Jérusalem. Moi, j'irais ça ici. Jérusalem, oui. Jérusalem, c'est une bonne réponse. Ah. Qui a écrit La cage aux folles? C'est Poiret. Jean Poiret. Ouais. Bonne réponse. Oui, oui. Quel homme politique français réaménagea Paris sous le Second Empire? Haussmann. Bonne réponse. Bonne réponse, et bien donc forcément c'est gagné. Non, vas-y, continue. Nous, on est sportifs. Continue. Alors, on continue. Quelle était la nationalité de Guillaume Tell? Suisse. Autrichien ou Suisse? Il était Suisse. Suisse. Oui, il était Suisse. Bonne réponse. Quel animal est surnommé la vache du pauvre? Maurice. Non, un animal. La chèvre. Bonne réponse. Quelle était la voiture que le général de Gaulle avait choisie pour ses déplacements? Une DS. Bonne réponse. Facile. Grand chèvre. La la la. mérite. Hein. Donc le point revient à l'équipe des Mollusques. Ouais. Moi, je trouve qu'on pourrait prendre un poste. Pour vous remercier, on va lancer la deuxième tournée de blagues. Ah. Ah. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Ah, et on vient de nous informer par une dépêche que Maurice a une nouvelle blague parce qu'il a testé la semaine dernière une blague 2010. C'est l'agence de presse. Donc là, on vient de lui, on vient de lui transmettre une nouvelle blague. C'est l'agence de presse qui a été créée par Bob, c'est la FPP. C'est quoi? Non, c'est l'agence de Maurice, l'agence Fesse Presse. Ah, pardon. Quel est l'animal qui n'a jamais soif? Le zébu. Hein? Ah oui, car que... quand j'ai bu, j'ai. Non. Et voilà! Et voilà! On en était sûr! Quand j'ai bu! Le quand zébu, j'ai plus soif! Voilà, c'est pour ça que je l'ai foiré! Oh non, mais c'est pas vrai! Voilà, il faut... Non, là, dans ces cas-là, comme l'émission. Mais il le fait pas exprès, hein! Un peu de montage. Et donc, forcément, on va demander à Maurice de la refaire, mais on va faire comme si on était les surpoints. Ah, d'accord. Oui, allez, allez. Oui non, parce qu'il faut que tu la réussisses. Vas-y. Alors, Maurice, une petite blague. Ah, j'en peux plus. Allez, quel est l'animal qui n'a jamais soif? C'est pas bon. Vas-y. Vas-y, Maurice. Le zébu. Ah. Bon, pourquoi? Car quand j'ai. Non. Quand j'ai. Non. Non, on va décomposer, comme oui, toi. Quand, vas-y, Maurice. Rassemble-toi. Quand zébu plus soif. Voilà. Alors maintenant, vas-y. Alors là, alors Maurice. Ah, donc une blague de Maurice. Ah. Vas-y, Maurice. Une nouvelle, hein, Maurice. Oui, oui. Non mais une nouvelle hein, parce que sinon ça va pas être drôle. Ah bah oui. Ah, une nouvelle. Non non. Oui. Ah, oui. Une nouvelle. Quel est le numéro ah des marques? Ah non, mais non, la nouvelle, la nouvelle. La nouvelle blague. La nouvelle. Celle-là. La celle-là, la nouvelle, oui. Alors. J'ai bien fait de la sortir des archives celle-là. Bien fait Maurice. C'est la chose que tu as bien fait de sortir. Alors. Du mois de juin. Des archives. Tu sais qu'on en enferme en psychiatrie pour moins que ça. Non mais lui il s'est sauvé hein. Bon, je peux y aller là. Oui, oui, oui, parce qu'on la connaît pas. Attendez, une blague, une nouvelle blague. L'antenne est pour toi, Maurice. Ça sera coupé au moins. Oui, bien sûr. Ah, bah, il y a un monde, oui, bien sûr. Quel est l'animal qui n'a jamais soif? C'est-à-dire que si on continue, il va foirer quel? Non, à ta place, Maurice, moi j'aurais dit savez-vous. Ah non. C'est, si. Non, non, mais non, si, mais c'est comme ça on répond. Oui. Allez, alors Maurice, une petite blague. Savez-vous quel est l'animal qui n'a jamais soif? Ah non. Non. Non, non, non, non. Le zébu. Bah bon, pourquoi? Car quand zébu, j'ai plus soif. C'est pas mal. On n'aura pas mieux. Non, tu ne feras pas mieux, Maurice, ce soir. Oh. Oh là là là là là là. Bon, quel Karen. Massacre. Ah, c'est pas facile après Maurice. Hein. Ah ouais, non, là c'est dur, c'est dur. Ah bah oui. Traumatisé. Ah bah oui. Traumatisé par le cambriolage. Oh là là. Nous avons Maurice. Maurice sort de ce corps, je crois qu'il va y entrer le derrière. Traumatisé par le cambriolage, Étienne a acheté un chien de garde à sa femme. C'est le contraire d'un pitbull. On appelle ça un bitpull. Car il est gros comme une bite et con comme une poule. Ah, une poule. C'est bien la fille de Maurice. Je recommence. J'ai le droit de recommencer. Oui, oui, oui. Ah, oui, Maurice, oui, on la gardera quand même. Traumatisé par le cambriolage, Étienne a acheté un chien de garde à sa femme. Un chien de garde, oui. C'est le contraire d'un pitbull. On appelle ça un bitpull. Car il est gros comme une bite et comme une poule. Bravo, bravo. Elle est très drôle. Elle s'est pas finie. Elle est pas finie. Elle est pas finie. Elle est pas finie. Oh oui. Même Barbara le trouve stupide. Ce chien est débile, dit-elle à sa copine Samantha. Quand quelqu'un sonne à la porte, c'est toujours lui qui arrive en premier. Et pourtant, c'est jamais pour lui. C'est fini. Bon, alors, Bob, je propose, parce que il y a quand même des impératifs musicaux et publicitaires. Oui. Donc, on va rendre l'antenne quelques instants. Mais on va revenir pour la suite de la tournée de blagues. D'accord. Car elle est bien commencée. Oui. Donc, vous restez avec nous. On est là dans quelques instants avec la AK Company. Ouais. Retour, on va se marrer avec la AK Company. Ouais, ouais. Excellent. Eh oui. La AK Company dans meilleur acteur dans un quatrième rôle au fond à gauche coupé au montage. Alors, une question tout à fait technique, mais le titre du spectacle ne tient pas sur un billet. Comment vous faites pour les billets, pour la billetterie? Ah, bonne question. Ah, bien, on ne vend pas de billets. C'est tout de la main à la main ou quoi? Pour les intimes, c'est meilleur acteur. Ah, voilà. D'accord. Que pour les intimes. Avec Alexandre ici présent, Karen, Aurélien et Annie qu'on connaît, qui est venue nous voir il y a quelques mois de ça, au Lorette Théâtre tous les mercredis à 21h30 et bientôt chez vous en province. Et pour tout savoir, AK Company sur le Facebook, parce qu'il y a... Pourquoi vous n'avez pas un site internet? On cherche quelqu'un, on lance un appel pour qu'on quelqu'un nous crée un site. Bon, oh, alors merci. Avant la pause. Oui. Karen a raconté sa blague, car c'était la tournée de blagues, donc que nous reprenons en cours de route. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Aurélien. Alors, quelle est la différence entre un mari et un... Ah non, excuse-moi, il faut dire quelle différence qu'y a-t-il ? Sinon, Maurice n'est pas content. Alors, quelle différence qu'y a-t-il entre un mari et un amant ? Eh bien, 30 minutes et 5 centimètres. Ah oui. Ça, c'est la femme de Bob qui peut témoigner. Mais tu sais, il y a une autre différence entre le mari et l'amant. Ah ben, vas-y. Enfin, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Oh, oh, oh, oh, oh. Non, pas Maurice. Non, Maurice déjà fait sa blague. Ah oui, c'est vrai. Eh ben moi aussi, vas-y Alexandre. Allez, Alexandre. Okay. Ah, c'était ta blague vaseuse ça. Ah, bah, donc, t'en veux une autre? Oui, bien sûr. C'est un mec qui va voir le médecin, il dit docteur, je suis embêté parce que j'ai énormément de mal à avoir des rapports avec les femmes, rapports sexuels. Ah bon, ben pourquoi? Ben parce que j'ai un énorme sexe. Comment ça vous avez... Oui, j'ai un énorme sexe de la taille d'un bébé, si vous voulez. Comme un bébé, quoi. On appelle ça un roast beef. Ah oui, non, j'ai... comme un bébé. Comme un bébé. Alors le docteur a dit, oui, c'est gênant, c'est un peu petit. Oui. Enfin, montrez-moi. Et le petit baisse son slip et le docteur manque de tomber dans les pommes. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, je vous avais dit, hein, comme un bébé, hein, 57 cm, 3,5 kg. Bon, Alexandre. Alors, un père divorcé cuisine un lapin en sauce pour ses deux jeunes enfants qu'il reçoit pour le week-end. À table, le petit garçon s'inquiète de savoir ce qu'il mange. « Dis, papa, qu'est-ce que c'est qu'on mange ?»« Ah, ça, c'est un secret, dit le papa. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'auparavant, ta maman m'appelait comme ça. » Et là, la petite sœur recrache alors tout dans son assiette et lance à son frère « Recrache, vite, recrache, c'est du trou du cul !» Oh. Elle est mignonne, elle est mignonne. Alors, je préviens tout de suite la direction de la station que nous avons une blague mignonne de Gégé. J'ai une petite question culturelle. Est-ce que vous savez de quoi est morte la femme de Hitler? Non. Ah non. Elle s'est trompée de douche. Alors, c'est deux petits PD désœuvrés qui disent, j'ai une idée, et on va jouer aux devinettes. Hein, si tu trouves ma devinette, tu m'encules et si tu trouves pas, c'est moi. D'accord, voilà. C'est comme ça chaque fois qu'on va chez Fifi. Ouais. Alors voilà ma devinette. Qu'est-ce qui est jaune et qui fait cui-cui? Un crocodile. Pas de réponse. Parce qu'ils ont fait le même jeu aussi. Hein. Alors, on va jouer à cache-cache. Si tu trouves, tu m'encules. Si tu me trouves pas, je suis dans le placard. Allez, Alors, dans cette émission, il y a donc une autre épreuve qui s'appelle Deviner, c'est gagné. Ah oui. Ah. Alors, le principe est très simple. On n'est pas sorti de l'auberge. J'ai écrit sur des petits bouts de papier des mots anodins. Anodin. Ce qui est marrant, c'est le mot anodin. Voilà. Alors, un premier mot pour Maurice. Donc, le but du jeu étant de faire découvrir le mot à son équipe avant, bien entendu, l'équipe des Mollusques. Parce que vu sa tête, je ne suis pas sûr qu'il sache ce que c'est. Je vais commencer par nous. Ah, très bien. Par les bouses. Alors, c'est parti. Prétentieux. Attention, Karen, Bob et Aurélien. Maurice va tâcher de vous faire deviner son mot, un seul mot à la fois pour c'est le deviner. Maurice, il tâche. Animal. Lapin. Voilà. Lait. Ah, non, animal et lait, ça peut être une vache ou une chèvre. Ouais. De quoi ça il peut être lait, lait attends, moche. Tous les mammifères ont du lait. Ça peut être lait, ça peut être lait avec un D, on ne sait pas. Ah. Précision. Non. Non. Un mot. Alors, vous proposez. Vas-y. Moche, chèvre ou vache hein. Vache. Grosse vache. Non. Alors, la main repasse. Mot suivant pour l'équipe. Des bouses. Chaud. Je dirais bien ça. Chien ? Non. Bob, tu me désoles. Tu me déçois. Ouais, Vas-y, Maurice. La main repasse pour l'équipe des Mollusques. Vas-y, Maurice, lâche tout. Clochette. Chèvre. Oui. Wow. Oh chèvre chaud. Bon, alors, le mot suivant, ce sera pour Frédéric Costel. Ah. Donc, Fred regarde le mot et... Et tu choisis de faire commencer ton équipe ou l'équipe des bouses ? Non, on va commencer par les bouses. C'est parti. Pâtisserie. Cake. Un cake, ça c'est bien. C'est cake. Mal, ça. Messieurs. La main repasse. Messieurs, Maghreb. Ah, c'est loukoum. Bravo ! C'est pas un gâteau, hein ? Alors, on va donner un mot à Aurélien, parce que le temps nous le permet. Aurélien, t'as bien compris le principe. Est-ce que tu fais commencer ton équipe ou d'abord l'équipe des mollusques ? Les mollusques. Attention, les mollusques à vos micros. Poule. F. Non. La main passe. Tu as dit quoi au premier ? Poule. Poule. Donc, la main passe. Donc, un deuxième mot pour ton équipe. On t'écoute. Bébé. Comment ? Bébé. Poule. Poussin. Oui. Et oui ! Tu as raison. Voilà, tu vois, Maurice, les invités, même s'ils jouent pour la première fois, eux, ils ont compris comment ils vont faire. Bon, alors, à la moitié du parcours, puisqu'il nous reste encore quelques mots à trouver, je vous annonce que l'équipe des Mollusques mène la danse 4 à 1. Ouais Donc, on va revenir dans quelques instants avec la AK Compagnie pour la deuxième partie de Deviner, c'est gagné. À tout de suite. On vous donnera des gratuits. Retour, on va se marrer avec la AK Compagnie. Oui. Karen. Oui. Aurélien. Oui. Et Alexandre. Oui. Bon, alors avant la pause, nous en étions à deviner, c'est gagné. Oui, le principe est toujours le même. Un Alexandre, petit mot sur un papier. Formalise pas, Bob déteste perdre. Oui. Un petit mot sur un papier à faire deviner à son équipe. Et si je ne m'abuse, ça va maintenant être au tour d'Alexandre. D'essayer de faire deviner un mot à son équipe, composée de Frédéric Coster et de Gégé. Alors Alexandre, est-ce que tu choisis de faire commencer ton équipe ou bien l'équipe des bouses ? L'équipe des bouses. Merci. Allez, bouses, à vos micros. Église. Il y a mosquée. Chapelle. Mais je dirais bien mosquée. Et Maurice vous a proposé aussi quelque chose. Hein. Qu'est-ce que tu as dit, quoi ? Il y a chapelle aussi. Ah bah oui. Curé, il y a curé, il y a... Curé. Mariage. Oui. Saint-Sacrement. Croix. Mais je dis ça parce que c'est d'actualité. Mmh. Et connaissant Philippe... Bourka. Religion. Bon, alors vous choisissez quoi ? Alors, parce allez-y, pas allez-y faire... puisque ça ne vous plaît pas, ma mosquée. La mosquée. Mosquée. C'est comme une église. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Exactement. Ouais, mais assume, ne regarde pas les autres. Ne regarde pas Bob. Curé. Bien sûr que non. Alors. La main passe. Alexandre, attention. Croix. C'est forcément chrétien. Ah bah église et croix, on a deux bons indices. Oui, je crois. Elle est morte, celle-là. Non, pas encore. Ah bon ? Pas mort. Ah bah pas mort. On m'a pas prévenu. On dit quoi, Jésus ? Allez, oui, c'est tout. Oh, je crois qu'on va... J'y crois pas. Non. Allez, Jésus. Non. Bon. Ah, la main repasse, la attention, repasse. Les bouses. Prière. Chapelet, oui, ça nous plaît bien, ça. C'est ça ? C'est chapelet. Ouais, ouais. Oh bravo, Karen. Ah, t'aurais pu dire théâtre. Le théâtre du Chapelet, il est très connu. Oh. Ça va parler à tout le monde, hein. Non, mais c'est parce que vous étiez en train de perdre, donc j'ai voulu vous aider un petit peu. Ouais, c'est gentil. Alors, même si je me fais un mot pour Bob du club. Alors, il est très très fort à ce jeu. En général, il est largement aidé par Maurice. Et il est pervers. Alors, est-ce que tu choisis? Oui. Qu'est-ce que tu fais, Bob? Tu choisis de faire commencer ton équipe ou d'abord l'équipe des mollusques? On va commencer en face. Dans ton micro. L'équipe des mollusques. Vas-y, Bob. Ordinateur. Informatique. Pour mon équipe. C'est pas ça, donc. Non, c'est pas ça. Alors, attention, je vous préviens, Aurélien. Aurélien et Karen, vous ne connaissez pas Bob. Bob a horreur de perdre. Donc, il vous frappe. Donc là, vous avez la pression maximum. Je ne risque rien, je croyais que je risque rien. On va se concerter, alors. Sexuellement, tu vois ce que alors, je dirais programme. Ah. Logiciel, je dirais. Excellent. Oh, Aurélien. Mais c'était une constatation, ils ont pas dit que c'était leur mot, hein. Notre nom, c'est notre vous mot. Seriez, non, nous, on sait perdre. Ah, non, mais on nous, sait perdre. On vous félicite, on vient de vous applaudir. Nous, en plus. Nous on sait perdre avec élégance. À vous, on applaudit. Allez, un petit mot pour Gégé. Ah. Mets tes lunettes, Gégé, hein. Oui, pour lire le mot, s'il te plaît. Puis mets le mot. Un mot facile pour une fois. Mets le mot à l'endroit, surtout. Oui, oui, oui, oui. C'est on va faire un truc en braille. En fait. Alors, tu fais commencer ton équipe ou d'abord l'équipe? Non, en face. Ah, les bouges. Ah, oui. Ah, oui. Endroit. Lieu. Oui, moi, je dirais ça aussi. Ouais, lieu, ouais. Moi, lieu. On va dire lieu. La main passe. Écoutez bien. Dissimulé. Alors deux secondes. Est-ce qu'on sait un lieu dissimulé? Endroit et dissimulé. Oui, bah ça va. Alors, cachette. Oui. Oh ça avait été un jeu, ça aurait été gâchette. Ça va de plus en plus vite ce jeu. Hein. Alors Karen, le dernier mot est pour toi. Tu fais commencer d'abord ton équipe ou l'équipe des mollusques? Les mollusques. Alors les mollusques. Alors les mollusques. Ouais. Alors. C'est l'accent de Nice, ça peut être. Instrument. On s'en fout de toute façon, oui. Le premier mot on trouve jamais. Oui. Alors. Violon. Non. Et c'est ça. Ah, attention, Bob, tu as la pression. Hein. Oui, là j'ai la pression. Parce que tu n'aimes pas perdre, je te rappelle, Bob. Oui. Il a la pression, mais il a de la bouteille. J'ai peur de me planter, moi. Comme ça, parce que je suis sûr qu'il lit dans tes yeux ce que tu as écrit. Attention. Attends, excuse-moi, je la refais, personne n'a entendu, elle était bonne. Bob, il a la pression, mais il a de la bouteille aussi. Écosse. T'as dit quoi en premier mot? Instrument. Instrument, Écosse, il y a oui, le Paul Bignou, comment il s'appelle en Écosse? La cornemuse, très bien. Maurice nous dit cornemuse. Oui. C'est Maurice qui a trouvé. On applaudit. Très facile parce que c'est Maurice qui a trouvé. Donc forcément. Bravo Maurice. Hein. Ex-écho là, on ex-écho là, non? Alors, vous n'êtes pas loin Maurice d'être ex-écho. Maurice vient changer d'équipe. Vous avez largement remonté la pente, car à l'heure actuelle, nous en sommes à 4 pour les bouses face à 5 pour les mollusques. Ouais. Bon, admettons. Alors, dans la AK Compagnie, nous avons donc 4 comédiens. Tout à fait. Karen Nury ici présente, Aurélien ici présent. Annie qui n'a pas pu venir malheureusement qui est sur scène. Elle n'a pas pu venir, c'est son nom ou... Non, c'est... pourquoi les autres on dit pas leur nom? Ah ben je peux mais parce qu'en fait j'ai des reflets donc voilà. Ah. Donc Aurélien Saunier. Tu dénonces Karen mais ça, tu peux dénoncer les autres. Alexandre, bon alors Annie Devisme. Voilà qui n'est pas là. Et heureusement nous avons Alexandre Lally ici présent qui va nous offrir un petit extrait du spectacle. Alexandre Lally. Non mais moi j'aimerais vous parler du chômage. Non parce que j'ai moi-même été confronté à ce fléau. Non mais si je vous jure, quand j'ai débarqué sur Paris plein de fougue et d'espoir, clopin sur mon fidèle destrier, j'ai m'en allé gaiement vers la NPE du spectacle pensant y trouver conseil et réconfort et surtout une oreille amie qui saurait me guider à travers les chemins sinueux du show business. Oui, mais là, moi, je dis taratata. Je dis sus aux idées reçues. On n'a pas voulu m'inscrire, moi et mes 18 ans de théâtre. Non, mais attends, rigole pas, Fred, parce que moi, je pensais, sans blague, hein, je rigole pas, je pensais qu'on allait me prendre en photo, m'inscrire dans un fichier et qu'on me contacterait à chaque fois qu'une audition se présenterait. Bon, avec le recul, je me rends compte que c'était un petit peu « oui, oui, va à l'école hein. ». Non, parce qu'en fait, à la base, pour moi, ANPE, c'était « Artistic November Promotion and Excellence ». Une agence de manager, quoi. Et quelle ne fut pas ma surprise quand la dite manageuse de plus de 50 ans, qui m'attendait à l'accueil, m'a gentiment demandé si j'étais inscrit aux ACDIC. Acetic Actor Society and Sushi Excellence December Intelligence Corporation. Et là la femme me répond: le chômage, c'est payant? Non, ah ben, je signe où? Bon, alors moralité, j'ai appris 1) qu'il ne fallait pas venir comme ça, hein, qu'il fallait prendre rendez-vous, 2) qu'il ne fallait pas venir ici, et 3) que je n'étais pas comédien car ni intermittent ni diplômé d'État, malgré mes 18 ans de théâtre, je sais, je l'ai déjà dit, mais je le redis comme ça, vous savez mieux. Ce à quoi je réponds que non, madame, je n'ai pas 1 800 € à mettre dans un cours privé. Là, dans un excès de bienveillance, ma nouvelle manageuse me met en relation avec le tableau d'affichage des annonces de figuration. Bon, ben, pas de bol, hein. Il n'y avait que 3 annonces et aucune ne me correspondait. Ben, la première, c'était clairement pas pour moi, hein. Il cherchait une femme. La deuxième, ah tiens, c'est un homme. Wouh ! Mais il fallait qu'il soit roux, obèse, ressemblant à Fabrice Luchini à 20 ans dans la nuit par brouillard et parlant le mandarin du 12e siècle. Pour un premier rôle, je l'ai pas trop senti. Hein. Et puis bon, la troisième annonce, il cherchait des gens moches, donc non quoi. Non Fred, des gens moches. Bref, je me rends donc à la NPE dite normale. Et là, après 4 heures d'attente, au milieu d'un paysage professionnel varié, mon nouveau manager me reçoit, m'écoute attentivement et arrive à la conclusion... Mais monsieur, pour être comédien, il faut passer des castings. Ah ouais. Bravo. Meilleur acteur dans un quatrième rôle au fond à gauche, coupé au montage. Ouais. Écrit, mis en scène, interprété par Karen, Alexandre, Aurélien et Annie. Ouais. Au théâtre, ouais. Le Lorette Théâtre, le mercredi de janvier et février à 21h30. Et bientôt chez vous en province, on vous le souhaite. À Toulouse, il y a déjà des dates. Et Perpignan. Et Perpignan. C'est quel métro, Maurice, à Paris? Ah oui, c'est le métro République ou Goncourt. Ah voilà. Mais Maurice... Et à Toulouse, c'est quel théâtre? Je connais pas. La Violette. Voilà. Et à Perpignan. Et à Perpignan, la Perpignan. Boîte à rire. On fait l'émission. Allez, à tout de suite avec la CA Compagnie. Retour, on va se marrer avec la AKA Compagnie. Alors, dans l'émission, il y a une autre épreuve. Alors, finalement, pardon Philippe, excuse-moi. Finalement, Aurélien, tu as une voix? Mais j'ai une voix. Parce que moi, j'ai vu le spectacle. Ce n'est pas qu'un physique. Ah ouais. Bientôt en one man. Oui, alors j'allais faire la réflexion justement. Non, mais tu as un très joli physique. J'attendais que quelqu'un en parle. L'avantage, c'est que ça dure, c'est court comme spectacle. J'attendais que quelqu'un en parle du physique parce que j'ai remarqué que sur les flyers, les affiches du spectacle. Moi, je trouve que tu n'es pas avantageux. Tout le monde est plus ou moins flouté ou pris d'en bas. Enfin, ouais. Sauf Aurélien, voilà. Qu'on voit clairement. C'est une volonté de. Ah, d'ironie, c'est de c'est pour visuel, attirer la clientèle. Tout le monde a les cheveux longs, sauf Aurélien. C'est-à-dire que Annie, Karen et moi, nous suons sur scène, alors que lui, il est gentiment posé. C'est lui qui a la photo réussie. Moi, ce que je lis dans l'affiche, c'est Aurélien les travelottes. Ce qui n'est pas gentil pour Annie et Karen. Et Karen est une grosse bouse, donc en même temps... Alors, dans l'émission... Donc, ah oui, c'est à K47 pour le nom. Ça se tire dessus, dis donc. Donc, il y a le multi-quiz. Il y a longtemps qu'on n'a pas joué au multi-quiz. Le multi-quiz, bien entendu, c'est un jeu très simple. Oui, il faut réfléchir encore. Oh là je propose à chaque équipe des questionnaires. Un questionnaire choisi. Bob, Karen, Aurélien et Maurice, je vous propose au choix un questionnaire sur les Simpsons, un questionnaire sur Georges Brassens, sur les fromages. Oh putain, des questions. Remarque, oui, celui-là, il est bien pour Bob, comme c'est un vieux crouton. Sur Stargate Atlantis. Mais tu l'as fait la semaine dernière, non, non, non, personne ne l'a pris. Personne l'a pris, ça. Et sur les animaux. Ah, les animaux, peut-être. Moi, les animaux, je veux bien. Oui, les animaux, on va prendre. Ouais. C'est peut-être Karine. Difficile, les animaux. Karen. Moi, je dirais Karen. Je dirais les Simpsons ou... Pense à Muren. Non, non, les animaux. Muren. Muren, elle aime bien les animaux. Non, les animaux. Non, Karen. Donc, les animaux, est-ce que les animaux, ça vous plaît bien? Ça nous sied. Fort. Alors, pour une minute... C'est une vache. Ah non. C'est parti. Sur quel continent vit le chat pêcheur? En Amérique, en Afrique ou en Asie? En Asie. On va dire Asie. Asie, vous validez, c'est une bonne réponse. Ouais, bravo Karen. Bravo Karen. Attendons, on s'en va, ça sert à rien. Où se situe le seul parc consacré exclusivement aux félins? À Amnéville, à Nesle ou au Barbène? Donc en Moselle, en Seine-et-Marne ou en Bouches-du-Rhône? Dans les Bouches-du-Rhône, Le seul parc consacré aux félins. Amnéville en Moselle, Nels en Seine-et-Marne ou au Barbène dans les Bouches-du-Rhône? Non, je crois que c'est en Moselle parce que c'est là qu'ils ont réimplanté le lynx. Oui, moi je dirais ça aussi. Moselle. Oui, alors c'était en Seine-et-Marne. Je suis le plus grand félin. Tais-toi, il y a le compteur qui tourne. On rajoutera du temps. Je suis le plus grand félin du continent américain. Qui suis-je? Le jaguar, le léopard ou le puma? Le puma. Et Bob, c'est une mauvaise réponse, c'est le jaguar. Il nous l'a fait la semaine dernière. Mais tais-toi. Une dernière question, parce que pour Robert, quelle vitesse maximale le guépard peut-il atteindre? 70 km/h. 110 km. 90 ou 110? 110, allez. 110, une bonne réponse, Bob du club. Ouais. En tout cas, quand le guépard de chez Maurice, c'est très vite parce qu'il a eu peur. Bon, alors, tout... alors, deux bonnes réponses en 1 minute 30. Donc, ça veut dire que vous aurez. On est en train de le perdre. On est en train de le perdre, il va tout cracher par le nez. Vous aurez aussi 1 minute 30. GG, Fred et Alexandre. Oh, on dirait Lisa. Et vous allez pouvoir choisir entre les questionnaires les Simpsons, la monnaie des pays. Georges Brassens. Vous avez vu au fait que le père de la famille Simpson est mort il n'y a pas très longtemps. On s'en fout. Oui, Homer Simpson. Oh. Pauvre France. Romain. Alors, Georges Brassens. Ça y est, c'est arrivé. Mais t'écoutes un peu ce qu'on te pose comme question. Mais non, mais c'est Karen, elle comprend pas les blagues, il faut bien que je m'explique. Mais pas le dire. Moi, j'ai pas compris non plus. Alors, on prend la monnaie. Les monnaies, Georges Brassens, les fromages. Georges Brassens, je sais pas, il m'énerve. Stargate Atlantis. Non, moi, je connais pas. La monnaie. Bon, moi la monnaie, j'y connais que dalle. Intérêt à répondre. Moi, je serais plus Simpson ou Brassens. Mais bon, GG. Ah, bah, Brassens, je peux rien te répondre. Simpson, je regarde pas. Allez, la monnaie, qu'on rigole. Les monnaies. Alors, c'est les monnaies des pays. Hein. Monnaie. Yes. Ah, c'est pas les tableaux. Alors, en 1 minute 30, c'est parti. Quelle est la monnaie de l'Albanie? Le lev, le shilling ou le lek? Le lek. Non, moi j'aurais dit le lev. Ouais. Alors. Lève-toi. Lève, le lev. Shilling ou lek? Moi j'aurais dit le lev. Oui, c'est le lek. Oui. Ah. La monnaie de l'autruche. De l'autruche. La plume. C'est le lek. Le lev ou le shilling? Le shilling. Le shilling. La Bulgarie. Le leva. Le drachme, le lek, le leva, le lev. Le lev, le lev. Bonne réponse de Gérard. L'Australie, T'as été marié avec un Bulgare. Le panga, le franc ou le dollar australien? Dollar australien. Bonne réponse. En Pologne, le zloty, le kron ou le lats? Le zloty. Zloty. Bonne réponse. En Finlande, marka, kron ou rouble? Non, le rouble c'est la Russie. C'est la couronne, la kron. Oui, c'est la kron. Tous les Scandinaves. Combien c'est, quel pays? La Finlande. Et tu peux redire le. Marka, Kron. Kron. Moi je dirais Kron, non? Oui, moi aussi. Kron. Oui, c'est Marka. C'est en Seine-et-Marne. Mais non, c'est en Seine-et-Marne, Kron. Et la Slovénie, la lire, le dinar ou le tolar? Le tolar. Pardon. Non, non, je rigolais juste sur le nom. C'est pas ma réponse. C'est le tolar ou le tolar? Oui, Slovénie, le lire, enfin la lire, le dinar ou le tolar? Le dinar, non, c'est l'épée. Je veux dire, j'en sais rien. Et alors, si tu savais à quel point je m'en Slovénie, fou, répète. Répète la alors, Slovénie. Lire, dinar ou tolar? Le dernier, là. Bah, le tolar. Tolar. Le tolar, et c'est une bonne réponse. Ah. Oh là là. Bravo. Bravo, bravo. Merci. Bon, alors, je pense qu'à cette épreuve, compte tenu que vous avez donné 5 bonnes réponses, vous allez marquer le point. Ouais! Mais qui? Bah, nous! Bien sûr! Ah oui. L'équipe des Mollusques! Parce que les auditeurs, ils voient pas à qui tu parles. Bah oui, bah, enfin, il y a les auditeurs, ils ont bien entendu que c'était les Mollusques qui avaient donné 5 bonnes réponses. Ah bah alors bravo les Mollusques! Les Mollusques! Ouais, bravo. Ah. Ce qui signifie que dans quelques instants, nous allons pouvoir revenir pour une nouvelle tournée de blagues avec une nouvelle blague de Maurice! Allez, à tout de suite avec la AK Company! RTL, il est 17h, nous avons en duplex Eugène Socomano. Oui, on refait le match. Mais qui les bêtes, je savais même pas qu'on était à l'antenne. Retour dans la soirée avec Eugène Socomano. Refait les blagues. C'est vrai que Frédéric a quand même un talent d'imitation. C'est dingue, hein. Alors. Celle-là, c'est la préférée d'Alexandre, celle-là. Alors, oui, n'est-ce pas, je fais des imitations. Oui, avec la gastro, c'est normal. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Karen. Un matin, sortant de la salle de bain, la vieille Chloé rejoint son mari à la table du petit déjeuner. On dirait Annie qui raconte ses contes parfumés. Un matin, sortant de la salle de bain, la vieille Chloé rejoint son mari à la table du petit déjeuner. Bravo, mon chéri, lance-t-elle en applaudissant. Qu'est-ce que j'ai fait? Demande Florent à interloqué. Tu as enfin réussi à ne plus faire pipi à côté de la cuvette des WC, s'enthousiasme la vieille dame. Comment as-tu fait? Bah tu m'étonnes, j'ai pissé dans le lavabo. Aurélien. Alors qu'est-ce qui fait 30 cm et qui est blanc? Ben bah, tout le monde sait que si ça fait 30 cm, c'est noir. Et oui. Oh. Après, oui. Alors Maurice, c'est une nouveauté, hein. Quel est le numéro des marins pêcheurs? Numéro de quoi? Numéro de téléphone des marins pêcheurs. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Là-bas, c'est un 02 là-bas. 118-218. Pourquoi, hein? Pourquoi 118-8 et 218-8. Ah oui, donc 118-218. Là, c'est plus drôle, tu vois. Maurice, mais Maurice, mais fais un effort. Oui. Mais le pire, c'est qu'il fait des efforts. Non, il va nous refaire la fin. Non, mais la fin. Au moins, non, mais si la fin. Maurice, quand il est comme ça, il est à fond. Mais non, mais la fin, au moins, pour qu'on ait un truc correct. Parce que je vois Frédéric. Tu vois l'ampleur des dégâts. Pourquoi les marins pêcheurs 118, 218. Oui, mais les marins pêcheurs ne font pas. 118, 218. Voilà, c'est les ostréoculteurs qui font des... Oui, mais c'est Philippe qui lui a passé la blague. Donc c'est là qu'il faut que tu te plaignes. C'est là-bas, hein. Alors, Maurice, une petite blague. Quel est le numéro des marins pêcheurs? Non, non, c'est pas. Dis des ostréiculteurs, c'est plus drôle. Des ostréiculteurs. Ah oui, oui, voilà, t'as raison. Déjà, ah, oui. Déjà, c'est drôle. Alors, Maurice, une petite blague. Oh merde. Merci, là. Comment veux-tu que je prépare mes blagues? Comment veux-tu, oui. Alors, t'as une petite blague. Comment appelle-t-on un SMS qui danse? Oui, fallait attendre la fin de la question. Qui danse? Oui. Oui. Oui. Elle est bonne, je l'ai vue, il me l'a montré, elle est bonne. Enfin, je parle de la blague. Alors, non, personne. C'est pas, non, c'est pas. C'est pas. Un tectonique. Un tectonique. C'est une catastrophe. Non, non, non. Ah non, Karen. Non, promis, je te jure, elle est pas énorme. Hein. Non, non. Et quand, il... quand on pense qu'il faut demander... qu'on demande aux immigrés de parler français. C'est vrai. Oh, oui. Oui, n'est-ce pas? C'est un scandale. Bon, alors, pour qu'on puisse quand même diffuser un truc correct, ah, oui. Est-ce que Maurice, tu pourrais nous faire... Oh, bah non, arrête tout alors. Non, Maurice, s'il te plaît, elle est géniale. Viens, on la refait, celle-là. Mais... Non, il peut pas. Là, non, mais les deux dans... alors, hop, les ostréiculteurs. Ah non, non, non. Les marins-pêcheurs. Ah, non, moi, j'ai non c'est pas des marins-pêcheurs. Les marins-pêcheurs, ils vont pêcher des poissons. Alors, les ostréoculteurs. Mais oui, ça élève les ostréoculteurs. Ça sera beaucoup plus drôle. Alors, monsieur Bello, faudra revoir vos notes. On va te le noter. Oui, ne oui, fais pas ta sosiane. Allez, hop, on fonce. On fonce. Quel est le numéro des ostréoculteurs? C'est une catastrophe nationale. C'est une catastrophe nationale. 118, 218. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Attention, il y a la deuxième. Ah, il y a la deuxième. Oh là là, attends, on est en train de Maurice. Le perdre. Vas-y Maurice. On est en train de perdre Philippe. Vas-y, achève-le. Ah merde, on est en train de perdre les deux là. Qu'est-ce que je vous dis? Comment appelle-t-on un SMS qui danse? Je sais pas. Je sais pas. Non, un tectonique. C'est quand même concernant. Bon, alors Frédéric Coster. C'est lui-même. Une blague? Oui. Oui. Ça va être moins drôle, hein. Et comment on appelle les gens qui élèvent des huîtres pour les chiens? Les non-ostréiculteurs. Ah, c'était ma blague. Bon, d'accord. Ouais. Vas-y, Alexandre. Sérieux? Ah, vas-y, c'était vas-y. La blague de Frédéric Coster. Vas-y. Okay. Alors, lors d'une soirée, un type demande à un autre « Dites-moi, vous aimez les femmes qui ne savent pas cuisiner ?» Et l'autre répond « Non, pas trop. » « Et celles qui sont connes ?» « Non, pas vraiment. » « Et celles qui dépensent tout votre argent ?» « Ah non, pas du tout. » « Je suppose que vous n'aimez pas non plus celles qui sont des mauvais coups au lit. » Ah oui, non, ça, celle-là, c'est vrai, j'essaie de les éviter. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de draguer ma femme. Alors, GG, quelle différence y a-t-il entre un moustique et Lady Di? Le moustique s'écrase à l'extérieur du pare-brise. Non. Ah, elle est horrible. Arrête, Karen, genre, gros Lady Di. Et est-ce que vous savez ce que fait une fraise sur un cheval? Une fraise sur un cheval? Oui. Du trot? Non, tagada. Oui, alors les fraises tagada. Oui. Ah, les fraises tagada. Oh là là. Alors, avant de rendre l'antenne, Jean-Marie, une petite blague? Oui, n'est-ce pas? Alors, c'est Rachid et Mouloud qui sont dans la voiture, n'est-ce pas? Alors, qui c'est qui conduit? Les flics. Bon, on va revenir dans quelques instants avec un extrait. Alors attention Karen, il faut que tu te prépares psychologiquement pour l'extrait du spectacle après la pause. A tout de suite. Retour dans Vasse Marais avec la AK Compagnie. Alors là, c'est la racaille compagnie. Non, pas la racaille. Pas la racaille, sinon. Alors c'est la compagnie. C'est vrai, c'est ce qu'on a compris. Hein. Non, non. Ah, moi j'ai compris ça. Fifi articule. Oui, parce que je ne veux pas d'ennui avec notre président de la République ici présent. Non, je ne fais jamais d'ennui à mes amis les artistes. Non, parce que c'est Thierry Le Lion ce soir. Hein. Oui, parce que si on... non, parce que si on lui parle de racaille compagnie, immédiatement il va nous parler. J'y vais au nettoyeur à haute pression. Parce qu'on a, on a plus le droit de dire la marque. Cher. Je viens de dire qu'on a plus le droit de dire la marque, connasse. Alors même la racaille compagnie, c'est Alexandre Lally, Aurélien Saunier et Annie Devis, et aussi. Malheureusement. Machine qui est pas venue. C'est pas moi qui l'ai dit. La bouse. C'est Karen Nuri qui nous offre un petit extrait du spectacle. Ouais. Bravo. Alors, ça tombe bien que vous parliez de Racaille Compagnie. Quand je suis arrivée sur Paris, le seul appartement que j'ai trouvé qui est rentré dans mon budget, c'était dans le 93. Le 9-3, comme on dit. Bah, à partir de là, la wesh attitude, c'est devenu mon kit de survie à moi. C'est simple, à partir du moment où je me retrouvais à la gare du Nord, sur le quai du RERD direction Garges-lès-Gonesse. Fini, pantoufles de verre, chevilles fines, mollets galbés fraîchement épilés. Le carrosse se transforme en citrouille et je deviens méchant. Alors que ce soit bien clair, il n'y a personne dans ce putain de RER qui me tirera mon portable. Mais si tu veux mon 06, sérieux, va t'acheter des amis. Ouais, parce qu'on est bien d'accord que dans le RERD direction Garges-lès-Gonesse, il n'y a que des voleurs de portables, des psychopathes, des tueurs de jeunes filles, et moi. Enfin, moi. Non, plus sérieusement, la vie en banlieue nord, c'est le rôle dans lequel je me suis le plus investie. C'est pas tant au niveau du texte que réside la difficulté. Non, non, à partir du moment où t'as le vocabulaire de base, la technique du verlan, les expressions les plus courantes, après c'est knacki purée, hein. Ça se mâche même pas. Bon, j'avoue, l'apprentissage n'est pas évident. Mais y a pas de secret, hein. C'est du par cœur. Faut rabâcher, 5 à 10 mots par jour. Bon, au pire, les gars, si vous avez vraiment des difficultés, retenez juste, vas-y. Ça passe partout. On ne tombe pas dans la facilité du ziva. Hein. Ça, c'est complètement has-been, cliché, obsolète. Enfin, ça fait pitié, quoi. Improvisation. Mais je fais très bien le téléphone. C'est pas le téléphone. Vas-y. Vas-y, hein. Vas-y. C'est tellement vrai. Non, mais petit détail, mais de taille, en banlieue nord, pas de politesse. C'est simple. Exemple, premier soir en banlieue, vous dégustez votre maxi méga double fish and beef hamburger devant des clips américains à la télé, quand soudainement, inévitablement, un joint tourne. Vous, avenante et enjouée, tout émoustillé à l'idée de braver des interdits et de peur que l'on vous oublie, vous vous manifestez timidement. Excuse-moi de t'importuner, s'il te plaît. Est-ce que je pourrais, si cela ne te dérange pas, bien évidemment, hein, tirer quelques taffes sur ton ouange. S'il te plaît. Et là, grand moment de solitude. Elle est sérieuse, l'autre. Est-ce que je peux tirer quelques taffes sur ton tarpé, moi? Lol, PTDR. Non, ça sert à rien. Mais s'il te plaît, excuse-moi. Est-ce que je peux... Tout ce que je voulais dire se résumait en deux mots. Fais tourner. Petit détail, mais de taille bis. En banlieue nord, pas de féminin. Ah bah t'as beau être une fille, ce sera toujours « Wesh mon frère, vas-y mon pote, yes mec !» Enfin ça, pour mesdames et mesdemoiselles qui nous écoutez, c'est quand on vous aime et qu'on vous respecte. Hein. Sinon salope, ça reste au féminin. Non, non, mais la véritable difficulté dans le rôle de banlieusarde, c'est la transformation physique. Ah bah ouais, c'est simple. Quand tu veux faire ta place au milieu des Noirs et des Arabes, un seul régime, hein, KFC, McDo et compagnie. Matin, midi et soir. Résultat, un bon taille 42-44. Wesh, mon frère. De la pure volaille élevée en France. 50% de viande. 70% de cellulite. Wouhou! Mais bon, j'avoue, parfois, je me relâche. La pression est trop forte. Je cède aux rayons légumes. Eh ben oui, je suis faible, je suis faible. Je mange des concombres sans vinaigrette. Je rêve de courgettes cuites à la vapeur, de poissons maigres, de yaourts 0%, de jambon déconné, dégraissé. Et là, c'est le drame. Bah ouais, je boutonne mon pantalon taille 40. Ouais, mais je me fais traiter d'anorexique. Hein. On me soupçonne même de me faire vomir. Wesh, mon frère, elles sont pensées où tes fesses? Alors je recommence. Poulet, frit et refrit pour être sûr. Couscous et mon maxi méga double fish and beef hamburger. Non, vraiment, c'est pas facile de tenir la taille 42-44 quand on est naturellement prédisposé à la taille 36. Bon, la suite. Alors, excuse-moi, Fifi, c'est marrant parce que j'ai à peu près le même régime. Et moi, ma taille, c'est beaucoup plus que 44. Hein. Ah bon ? Ah oui. Et voilà, c'est tout. C'est tout. C'était juste pour dire ça. Voilà. Alors, après cette réflexion d'Eric Collado, meilleur acteur. En fait, il a vachement maigri, Collado. Oui, c'est vrai. Meilleur acteur dans un quatrième rôle au fond à gauche, coupé au montage. C'est au Lorette Théâtre, les mercredis de janvier et février à 21h30, qu'on se le dise. Et bientôt chez vous, en province. Allez sur le Facebook de la Haka Company pour tout savoir, demandez-les comme amis. Et Maurice, tu as quelque chose à rajouter? C'est au 36 rue Bichat, métro République ou Goncourt. Merci Maurice. Ah, merci, via Michelin. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Ami.com. Oui, c'est vrai que c'est via Michelin, il y a la bouée. Les mensurations de Karen, hein, oui. C'est 90, 60, 90. Ah. Merci Bob. Tu as tellement raison. Et 1m70, non? L'amour rend aveugle quand même. 76. Ah, 76? Ouais. Tu es une grande fille. Ouais. Très grande. Sexuelle, oui. ta femme qui est dans la voiture depuis une heure, qui attend sur le parking de la radio, voudrait savoir si, à quelle heure ça se termine. Dans pas longtemps, ma chérie. Alors, Frédéric Koster. C'est moi! Bravo! Ah! Bravo! Ouais. Bravo. Prépare chaque semaine deux tournées de frites et un petit quiz. Un quiz. Merci Aurélien. Non, merci Aurélien, c'est très gentil. On va essayer de découvrir des politiques aujourd'hui, des hommes et femmes politiques qui ont un point commun, c'est qu'ils ont tous été au moins une fois candidats à l'élection présidentielle. Ah. D'accord. Des hommes et des femmes, donc tout le monde a vos crayons. Alors il y en a 9, il y en a des très faciles. Je peux faire un aparté pour difficiles. Expliquer à Bob que le premier nom, c'est le jingle. Va te coucher. Merci Maurice. Alors là, il faut noter, on dit rien pour l'instant, on note. On note. Et chez vous, vous jouez aussi puisqu'il y a une Porsche Cayenne à gagner. Non, du poivre de Cayenne. Ah pardon, j'avais mal lu. Ça fait éternité. Je vous demande de vous arrêter. Les grands partis se disent tous partisans de l'égalité des hommes et des femmes. Et ils n'en finissent pas de voter et de revoter des lois sur cette égalité. Vous savez, ces grandes foires qui permettent le maintien d'une certaine tradition, d'une certaine convivialité, qui organise la fête. Regardez les gens, leur regard. Tout le monde sourit, les gens sont contents. C'est vrai que je suis vraiment éloigné du mélange qu'il a fait en plaçant dans le même ministère immigration et identité nationale. C'est un sondage qui, si mes renseignements sont exacts, indique qu'il y a une progression de plus 5 de Jacques Chirac et une descente de moins 8 de Valérie Giscard, de François Mitterrand. J'ai rien dit. Bon, l'affaire d'un trafic d'armes organisé entre l'Angola, mais pas la France, hein, des pays qui appartenaient au bloc ex-soviétique. Vous le savez, j'ai été désigné par des collègues maires pour être candidat à l'élection présidentielle le 18 novembre, lors d'une manifestation qui a eu lieu à Paris. Et nous sommes réunis 40 maires à la suite de cette manifestation. Et je voudrais vous dire quelle est la situation de la France aujourd'hui, puisque vous arrivez d'Angleterre, vous poser une question simple. Parce que je sais que vous êtes le champion du monde du contournement des questions délicates. Je crois que ce qui domine chez les gens, c'est qu'ils n'en peuvent plus du chômage qui monte, qu'ils n'en peuvent plus des difficultés à boucler les fins de mois, et de l'angoisse qui les étreint sur l'avenir des jeunes. Oui. Alors, on peut applaudir. Il n'y en a pas que des faciles. Hein. Ah non. Moi j'en ai 5. Ah, mais notamment, le dernier, je crois. 5, 6, 7. Notamment, oui, Aurélien écoutait benoîtement. J'avais pas compris que c'était un quiz audio. Ah d'accord. Oui, il cherchait les écrans. Je croyais que c'était un jingle, en fait. D'accord. Il cherchait les écrans. Il pensait qu'on était sur Direct 8. Il cherchait les écrans. Il dit, mais où est Morandini? C'est mieux qu'il parle pas dans la pièce, finalement. Alors, Frédéric. Alors, donc, il y en a 9 à trouver. Alors, le dernier, je vous concède, le dernier, personne ne se rappelle qu'il a été candidat. Oui, mais Frédéric, une chose très importante, c'est que les auditeurs sont en train de se battre chez eux par rapport à ce quiz. Oui. On les laisse réfléchir. Et on revient dans quelques instants pour la réponse. Voilà, on revient à tout de suite. Ah, quelle ambiance ce soir. Dernière partie, on va se marrer. Avec la Haka Compagnie et le petit quiz de Frédéric Koster. Eh ben, on a tout trouvé. Ah, alors avant la pause, Frédéric nous a proposé un même petit... Même le dernier, tu l'as trouvé, Gégé? Non, le dernier, je sais pas qui c'est. Ah oui, c'est ça. Tu n'as pas tout trouvé. Enfin, donc, ah oui, on pense que chez vous, vous avez trouvé, enfin, de nombreux politiques qu'il y avait à reconnaître. On va la décomposer. On fait comme Maurice? Oui. On décompose? Bah on l'entend plus depuis tout à l'heure, Maurice. Oh, bah moi, on sera triste quand ça sera plus là l'année prochaine, moment. Ah bon, pourquoi? Oh, bah t'as vu dans l'état où elle est. Oh, salope. Moi, je vais lui raconter plein d'histoires parce que comme ça, ça nous fera des émissions. Je crois qu'il y a Lina qui a ressorti une émission sur Maurice. Tu sais, Shadow en péril. Bon, alors on la décompose. Bob, t'es prêt? Oui, bah moi, je suis prêt. Allez, c'est parti. Alors, Bob. Le jingle. Bravo. C'est là, hein. Il est fort. Je vous demande de vous arrêter. Ça, c'est Baladur. Baladur. Bravo. Les grands partis. Payés. Payés. Qualité des hommes et des femmes. Excusez-moi, parce que je crois que le réalisateur est sourd. De voter à force que de on a trouvé dans les la terre. Cette égalité. Alors attendez, ça c'est pour Bob. Ces grandes foires qui permettent le maintien Jacques Chirac. De cette tradition. Chirac. Oui, c'est Jacques Chirac. Qui organise la fête. Tu t'aimes pas perdre, Bob, je crois. Hein. Du mélange qu'il a fait de Villepinte en plaçant dans le même ministère non, jamais été candidat au immigration et identité nationale. J'ai pas trouvé là. Avec des, grandes oreilles. Neuneu. Un bègue avec des grandes oreilles. Neuneu, comment il s'appelle? J'arrive pas à me souvenir. Ah, Le Canuet. Non, pire. Non, plus récent. Non, le Canuet, c'était des dents blanches. Il est toujours en activité. Enfin, l'ancien maire de Pau. Pas du tout, il a jamais été candidat. Candidat à la mairie. Il a perdu de Pau. Aux dernières élections, là. Quand tu parles de lui, voilà, quand tu parles de lui et que tu dis perdu, c'est un pléonasme. Comment tu l'appelles? Bayrou. François Bayrou. Bayrou. Bayrou. Bayrou. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, Aurélien, dès qu'on dit une réponse, Aurélien dit « Ah bah oui, voilà !» Parce que je le savais. Il pourrait faire la potige dans les émissions de télé. Ah, c'est ça. Affaire suivante ou pas? C'est vrai qu'on dirait Victoria. Alors, affaire suivante. C'est un sondage qui... Nicolas. Ça, c'est Nicolas, ça. Plus 5 de Jacques Chirac. Non, c'est ton Nicolas. De moins 8, c'est mon Nicolas, oui. De Valérie Giscard. De... Mais moi, j'ai voté pour Nicolas. Ça, parler, on l'entend pas. De voilà. François Mitterrand. Vous j'ai rien dit. C'est Nicolas. On l'a fait... Chevènement. Bravo, Maurice. Oh. L'Angola, mais pas la France. Des pays qui appartenaient au bloc ex-soviétique. C'est-à-dire que j'entends qu'il parle du bloc, mais de bloc de réanimation. C'est, c'est pour le prochain, le bloc de réanimation. C'est Chivardi. Vous savez, j'ai été désigné par des collègues maires. Bonne réponse. Expliquez-moi. Pourtant, c'était au dernier. Il est de gauche ou de droite ? Gérard Chivardi. Il est de gauche. Harcelé par non. ces gens. Non. Moi, j'ai pensé qu'il était extrême droite. Absolument pas. C'est comment... C'est chasse, pêche et tradition. Mais non, mais non, mais non, mais non. Ah bah c'était il était présenté, soi-disant, par le parti de, un parti d'extrême gauche, mais sans vraiment être d'extrême gauche, que c'était une association, comme il le dit, des maires de France, etc. Mais il est de gauche. Mais c'est pas inconnu, lui. J'ai jamais su. Gérard Chivardi. Il est de gauche quand on est de gauche, on le dit. Quand on est de droite, on le dit. C'est-à-dire que Gérard Chivardi, il est surtout connu par l'imitation de Canteloup. Oui, tout à fait. Qui le fait très bien. Donc Gérard Chivardi. Affaire suivante. Oui, affaire suivante, c'est Devilliers. Je voudrais dire quelle est la situation de la France aujourd'hui, puisque vous arrivez d'Angleterre. C'est très bien, Gérard. Je crois que ce qui domine chez les gens, alors, c'est qu'ils n'en peuvent plus du chômage qui monte. La joie. Qu'ils n'en peuvent plus des difficultés. Je sais pas où. Les mois. Et de l'angoisse. Qui les étreint sur l'avenir. Il a raison, c'est la joie. C'est André Lajoigny, bravo Philippe. Ah, bravo. Ben oui. C'était le candidat communiste au présidentiel de 1988. Ah c'est celui qui a succédé à Georges Marchais. On regarde des clubs de recrues à cette époque-là. Oui, Georges Marchais qui soufflait tout. Allez Dédé. Allez Dédé. Allez Dédé, vas-y. Bravo Dédé. Vous en avez trouvé, vous avez tous trouvé, bravo. Eh bien tout le monde a gagné. Voilà. Sauf Aurélien qui n'a rien dit. Aurélien, t'en as trouvé combien ? Mais si, il en a trouvé. Ah, mais j'en avais 4. Ah, voilà. Mais à qui arrête de l'assassiner ? T'en avais combien, Aurélien ? 4. Mais à qui appartiennent les deux ? Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. The last tournée de blagues. Que se disent deux lesbiennes vampires après une nuit d'amour? À dans 28 jours. Au mois prochain, ma chérie, même position. Et comme nous sommes écoutés en Espagne, j'ai la version espagnole de cette blague. Ah, tu l'as? Oui, oui. Qu'est-ce que, quand elles sont espagnoles, les lesbiennes vampires, qu'est-ce qu'elles se disent? Hola. Hasta la ñaña, ma chérie. Je ne connaissais pas celle-là, elle est bonne. On est déglingué. Vas-y, Alexandre. Oui, c'est Alexandre, là, oui. Une femme se rend à la caisse d'allocation familiale. La fonctionnaire lui dit « Nous avons quelques soucis avec votre dossier. Quels sont les prénoms de vos 8 enfants ?» Alors, la femme répond « Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin, Kevin et Kevin. Non mais me dis pas que vous les avez tous nommés Kevin. Ah bah si. Mais comment vous faites pour les appeler? Bah je crie Kevin à table et ils viennent tous. Oui mais si vous voulez les appeler, si vous voulez en appeler un en particulier, comment vous faites? Ah bah dans ces cas-là, je l'appelle par son nom de famille. Alors moi je vais finir sur un feu d'artifice. Hein. Ah. Attention, vous êtes prêts tout le monde? Attention parce que celle-là, et celle-là, est-ce que vous saviez que c'était un Écossais qui avait inventé les pâtes? Ah non. Vous savez non. comment il s'appelait? Non. Mr. Mac Aroni. Elle est bonne. Vas-y, tac, tac. Comment on reconnaît une lesbienne dans une grande surface? C'est pas ça. Mais non, mais c'est pas celle-là, les deux. Oui, c'est la fille qui choisit toujours le plus gros concombre sur les étals. Qu'est-ce qu'il a fait avec... Et quel est le numéro de... des marins? Non, ostréiculteurs. Ah oui, voilà. Attention. Attention. Les ostréiculteurs réunis. Quel est le numéro des gens qui vendent des huîtres? D'abord, ils les vendent pas, ils les élèvent. Faut même plus la piquer, faut la faire taire. 118, 218. Oui. Le fait genre. Et les ébus en vitesse? Et le zébu en vitesse? Ah non, ça. Ah ouais, non, si. Ah bah si, vite, on a encore le temps. Il démissionne, Momo. Quel est l'animal qui a jamais soif? Il cherche ses notes. C'est le chameau. Parce que quand chameau, chameau soif. Elle est bonne. Elle marche aussi. Elle m'a bravo. Oui. Un peu Aurélien. Alors pourquoi les femmes ont-elles le cerveau divisé en quatre parties? Ah, ça, c'est bah, pas... Parce qu'il y a quatre plaques à la cuisinière. Ça s'appelle de la bisogynie. Non, de dans le tout un petit peu. Finalement. Oh, la type arrive aux urgences après un accident de voiture. Quand il se réveille, il y a le chirurgien qui a son chevet. Oula. J'ai deux nouvelles. Bob, alors Bob, reprends ton souffle et dis-la dans le micro. D'accord. C'est un type qui arrive aux urgences. Bah, Maurice, laisse parler Bob. Alors, c'est un type qui arrive aux urgences après un accident de voiture. Il se réveille, le chirurgien est à son chevet et lui dit « J'ai deux nouvelles à vous annoncer, je commence par la mauvaise. J'ai dû vous amputer des jambes. » Ah bon? Et la bonne? Ben, vos chaussures me plaisent bien, je vous en donne 800 euros. Karen, c'est à toi. En se coiffant devant son miroir, Chloé scrute son visage. Les rides qui s'y sont accumulées y sont si nombreuses que Yann Arthus-Bertrand pourrait les filmer pour faire croire que c'est la banquise vue du ciel. Elle cherche du réconfort auprès de Florent qui est en train de prendre sa douche. « J'ai la peau qui se détend, des vergetures et de la cellulite partout », se plaint-elle. « Dis-moi quelque chose qui me remonte le moral. » T'as encore une très bonne vue, ma chérie. Mais dis donc, t'es pas gentille avec Maurice, hein. Ah, une petite dernière. Alors, c'est une journaliste de Direct 8 qui a entendu parler d'un très vieux juif qui se rendait deux fois par jour pour prier au mur des lamentations. Alors, elle y va parce que c'est un sujet intéressant. Personne n'arrive à parler correctement. C'était très dramatique. Et elle le voit, un vieil homme sur une cale et tout ça. Elle s'approche pour dire excusez-moi, monsieur, je suis Rebecca Morandini de Direct 8, mais quel est votre nom? Je suis Moshe Goldberg. Mais depuis combien de temps vous venez prier ici? Je viens depuis 60 ans. 60 ans, mais c'est incroyable. Mais pourquoi vous priez? J'y prie pour la paix entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. J'y prie pour la fin de toutes les guerres. J'y prie pour la fin de la haine. J'y prie pour que nos enfants grandissent en sécurité. Mais que ressentez-vous après 30 ans de prière, après 60 ans de prière? J'ai l'impression de parler à un mur. Bon, eh bien après cette tournée de blagues, nous allons pouvoir vous inviter d'urgence à aller voir un excellent spectacle. Des racailles. Aka Compagnie. Meilleur acteur dans un quatrième rôle au fond à gauche coupé au montage. Au Lorette Théâtre à Paris, tous les mercredis de janvier et février à 21h30. Où ce théâtre? Vous pouvez demander à Maurice. Maurice, il est où le théâtre? Alors, il est 36 rue Bichat. Oui. Et le métro, c'est République ou Goncourt. Un numéro pour réserver. Un numéro de téléphone pour réserver, Maurice. Alors, 08. Non, 08. C'est pas les marins pêcheurs, là. Les ostréiculteurs, idiotes. Allez, 08. 08 99 15 37 16. C'est bien, voilà. Bravo. Et alors l'équipe de la AK Compagnie, vous la retrouvez sur son Facebook, évidemment. Tout à fait. AK Compagnie, si vous avez envie d'être au courant de ce qui se passe et puis dialoguer avec les comédiens de la compagnie. Vous êtes les bienvenus. Et en plus, pour nos amis de province, une bonne nouvelle avec des dates. Alors nous serons fin avril, début mai à Toulouse au Théâtre de la Violette et début juin à Perpignan à la Boîte à Rire. Voilà. Eh ben, écoutez, merci d'être venu nous voir. On a bien rigolé. Merci à vous. Merci à Karen. Oui, merci, bravo. Merci. Merci à Aurélien. Bravo. Merci. Et merci à Alexandre. Merci. Oui, bravo. Et on salue Annie quand même. Oui, qui Annie, travaille. On l'embrasse. Et bah oui, et oui. On l'embrasse. Mais elle reviendra nous voir, Annie. Bah écoutez, faut l'inviter. Annie pas venue, oui, c'est ça. Alors, on va remercier aussi Bob du club. Oui, bonsoir les filles. T'es content d'être à côté du joli fille ce soir. Oui, c'est vrai, je suis ravi. Maurice j'étais avec un joli garçon. Attends, excuse-moi, j'étais vraiment assez à côté d'une très jolie fille. Voilà, et d'un joli garçon à ta gauche. Oui, enfin, ça, joli, je garçon. Sais pas. Sympathique pour moi. Ah. On va remercier Maurice qui ce soir lance pour 2010 trois nouvelles blagues. Incroyable. Ah, tu dis, on remercie Maurice, je croyais qu'il pouvait passer chercher son chèque à la compta. Parce que t'as l'intention de le payer. Ça, j'ai de tout compte. Merci à Frédéric Coster. Oh. Dont les extraits du spectacle. Énorme. Qui a dit énorme? C'est Garrett. C'est Garrett. Ah, alors, Frédéric Coster, oui, dont les extraits du spectacle se retrouvent sur son Facebook, sur son MySpace. En général, les extraits de mon spectacle se retrouvent à la SACEM de quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est pas grave. Non, MySpace.com, Frédéric Coster, voilà. Et on va remercier aussi Gégé qui a tenu le bar. Merci Gégé. Bah écoute, il y a moins lourd à porter quand on repart. Oui, ça c'est clair. Et on remercie aussi Davy qui a bien réalisé. Ah oui. Oh, oui. Et alors, pour les auditeurs. Et on va remercier Philippe Bello. Merci Philippe. Sans qui la vie ne serait pas la même. Mais c'est clair. Alors, les auditeurs qui ont suivi veulent savoir qui des mollusques ou des bouses ont remporté cette épreuve. On ne vous le plus. Alors, les bouses, vous avez marqué 4 points. Bravo. Bravo. Bravo. Quel talent. Quel talent. Bravo. Hypocrite. Les mollusques. Et nous, on a fait combien? Et bien, les mollusques, vous remportez la manche avec 6 points. Ouais. Bravo. Quel jeu est truqué. Applaudis Aurélien, s'il te plaît. Il y a des années que ce jeu est truqué. Si vous voulez en savoir plus sur l'émission, réentendre les anciennes émissions, les podcasts, c'est onvasemarrer.com. Le Facebook de l'émission, le groupe de l'émission On va se marrer. Et bien sûr, vous vous abonnez sur iTunes à On va se marrer pour entendre tous les podcasts et notamment cette émission. Ta boîte mail, Maurice, c'est quoi? Père-Lachaise.com. Il n'a pas le droit au Père-Lachaise. Oui. Non, lui, c'est change pas de main, je sens que ça vienne. Merci aux éostréiculteurs de leur fidélité. 118, 218. Ah, c'est sûr que Maurice qui risque pas d'affoler les conchiliculteurs. les éleveurs de moules, hein, pour ceux qui savent pas. Et rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle partie de rigolade avec de nouveaux invités. Ouais. Bravo. Bravo.